Joga aí, joga aí. Baixo PT, a cabine. Baixo que eu sou bom. Alá mamá, alá mamá. Sur le site Yamaha, ah. J'ai pris la Hublot, l'appart à la mama. J'ai détruit le game d'un Kamehameha. J'me vois pas en bon mettre en claquette arena. A la mama, à la mama, à la mama, ah. À la mama. J'sors des Givenchy, là j'me suis lâché. Même devant la juge, j'ai le regard détaché. J'conduis à l'arraché, la ceinture détachée. Qui croit en passager, la chemise Versace. Ça lâche des purple pour le voiturier. Michael Douglas, sacoche à damier. Je me sens pas de rentrer, Tchallah il a nié. Il s'est fait péter, barrage vers Montpellier. Tout le monde c'est pas lui, tout le monde il a nié. J'me rappelle la nuit, on faisait des casse béliers. En train de mater YouTube, en définition. Prends pas leur iPhone si t'es sous commission. J'ai commandé un T-Max sur le site Yamaha. J'ai pris la Hublot, l'appart à la mama. J'ai détruit le game d'un Kamehameha. J'me vois pas en bon mettre en claquette arena. À la mama, à la mama, à la mama, à la mama. Tout le temps il me rejette la faute. J'ai rien fait de mal, elle me dit je note. Pourquoi la Volvo Apollo la casse. J'mets du Fahrenheit, ça me rappelle l'époque. On fait un petit tour sur la côte. Récupère ta pote, moi je suis avec mon pote. À 6h du mat, ça toque. Où y'a des donneurs, fais le tour du bloc. Mais madame, je suis enchanté. Je t'ai vu danser, tu m'as envoûté. J'aime trop t'en déhancher. Je t'ai vu partir, ça m'a dégoûté. J'ai commandé un T-Max sur le site Yamaha. J'ai pris la Hublot, l'appart à la mama. J'ai détruit le game d'un Kamehameha. Je me vois pas en bon mettre en claquette arena.